à la 5e place. Urambaraza by Fizo. Fizo baby. Kerezo warabitwaye aya aya njinda babara à la 4e place en exéco petit bébé chanté par Gaël Faye en featuring Francis Mouhigé Gaugu gatoi Gaugu kaniniya warapunwa ni wapuye waragowe ni wagoka Gaugu gatoi Une feuille, un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie, naguère avant la guerre. Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainville. My Redeemer, chanté par The Sons of the Morning Star. You are my Redeemer. À la 3e place, Dito Alpha Team. À la 2e place, Ouang Young PMG. À la 1e place, qui est aussi la chanson de la semaine, Hitamo, Best Friend of God. You're in the mix with DJ Friends. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre compte Facebook, Exif Ambiance Artistique, et postez sur notre mur la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79 402 336, 79 402 336. Ukugomba gukogwa kumwanya ukumenya nako kugashigwa mungiro uzomenya ukuri kuguhe kwidegenja agakiza ni nk'ubuntu bukomanga kurugi kwawe yacutsema mu vyiyumviro hitamwo neza uyu mwanya ni gwawe amahoro Imana itanga aruta ubwenge bwose bwo mu isi yacutsema mu vyiyumviro hitamwo neza uyu mwanya ni gwawe amahoro Imana itanga aruta ubwenge bwose bwo mu isi Yesu niwe nzira y'ukuri nawe mwizigiye maze ngo akogwe n'isoni hitamwo Yesu Kristu wabugami Yesu niwe vyizigiro vyo kubaho hitamwo Yesu Kristu wabugami Yesu niwe byizigiro byo ku